Quên đi bao nhiêu ngày qua như gió thoáng trong đời tôi. Em ơi, cho tôi xin vẫy tay chào cuộc tình ngày đó em đêm. Hôm nay thôi vỡ tan rồi. Hôm nào nồng nàn lời em đã nói, đâu ngờ tình nàng rồi đây sẽ mất đi. Em ơi, như bao đam mê trong tình yêu, như bông hoa bao ngày qua, như bao đêm nồng ân ái. Em ơi, tôi xin chia tay cùng em, yêu đương ôi nay còn đâu, bao đắm đuối trong tình ta. Em ơi, cho tôi xin vẫy tay chào cuộc tình đẹp nhất trong đời, hôm nay đã xa rồi. Biết rằng cuộc tình này sao quá dối gian, biết rằng tình này rồi đây sẽ vỡ tan. Em ơi, như bao đam mê trong tình yêu, như bông hoa bao ngày qua, như bao đêm nồng ân ái. Donner la fille qui m'a aimé un instant de ma vie. Au revoir, un visage oublié, un ménage déchiré, un instant d'une vie. Savoir qu'elle me dira je t'aime, savoir qu'elle oubliera mes peines, savoir qu'elle est trop fait d'amour, le plus beau jour des jours, la plus belle nuit d'amour. Revoir la fille qui m'a donné, la fille qui m'a volé un instant de ma vie. Au revoir un amour de toujours, le plus beau rêve d'amour, là devant moi. Savoir qu'elle me dira je t'aime, savoir qu'elle oubliera mes peines, savoir qu'elle est mon bel amour, le plus beau jour des jours, la plus belle nuit d'amour. Savoir qu'elle me dira je t'aime, savoir qu'elle nous dira mes peines, savoir qu'elle est mon bel amour, le plus beau jour des jours, la plus belle nuit d'amour. Savoir qu'elle me dira je t'aime, savoir qu'elle oubliera mes peines, savoir qu'elle est mon bel amour, le plus beau jour des jours, la plus belle nuit d'amour. Savoir qu'elle me dira je t'aime, savoir qu'elle oubliera mes peines, savoir qu'elle est mon bel amour, le plus beau jour des jours, la plus belle.